10-28, observation, pronom personnel accentué, révision et extension. Robert est aussi grand que Mireille. Il est aussi grand qu'elle. Mireille est plus mince que Robert. Elle est plus mince que lui. Les Belots sont moins riches que les parents de Robert. Ils sont moins riches qu'eux. Les pronoms accentués, tonique, emphatique, disjonctif, sont utilisés après « que » dans une comparaison.